S'il avait fallu risquer sa vie pour son ami, Frédéric l'eût fait. Mais, comme il tenait à se montrer le plus avantageusement possible, comme il surveillait son langage, ses manières et son costume, jusqu'à venir au bureau de l'art industriel, toujours irréprochablement ganté, il avait peur que Deslauriers, avec son vieil habit noir, sa tournure de procureur et ses discours outrecuidants, ne déplût à Madame Arnoux, ce qui pouvait le compromettre, le rabaisser lui-même auprès d'elle. Il admettait bien les autres, mais celui-là, précisément, l'aurait gêné mille fois plus. Le clerc s'apercevait qu'il ne voulait pas tenir sa promesse, et le silence de Frédéric lui semblait une aggravation d'injure. Il aurait voulu le conduire absolument, le voir se développer d'après l'idéal de leur jeunesse. Et sa fainéantise le révoltait, comme une désobéissance et comme une trahison. D'ailleurs, Frédéric, plein de l'idée de Madame Arnoux, parlait de son mari souvent. Et Deslauriers commença une intolérable scie, consistant à répéter son nom 100 fois par jour, à la fin de chaque phrase, comme un tic d'idiot. Quand on frappait à la porte, il répondait « Entrez, Arnoux !» Au restaurant, il demandait un fromage de brie, entre guillemets, à l'instar d'Arnoux. Et, la nuit, feignant d'avoir un cauchemar, il réveillait son compagnon en hurlant « Arnoux ! Arnoux !» Enfin, un jour, Frédéric, excédé, lui dit d'une voix lamentable « Mais, laisse-moi tranquille avec Arnoux !»« Jamais !» répondit le clerc. Toujours lui, lui partout, ou brûlante ou glacée, l'image de l'Arnoux. « Tais-toi donc !» s'écria Frédéric en levant le poing. Il reprit doucement. « C'est un sujet qui m'est pénible, tu sais bien. »« Oh, pardon, mon bonhomme !» répliqua Deslauriers en s'inclinant très bas. « On respectera désormais les nerfs de mademoiselle. Pardon encore une fois, mille excuses !» Ainsi fut terminée la plaisanterie. Mais, 3 semaines après, un soir, il lui dit « Eh bien, je l'ai vu tantôt, Madame Arnoux. »« Où donc ?»« Au palais, avec Balandard, avoué. » Une femme brune, n'est-ce pas? De taille moyenne. » Frédéric fit un signe d'assentiment. Il attendait que Deslauriers parlât. Au moindre mot d'admiration, il se serait épanché largement, était tout prêt à le chérir. L'autre se taisait toujours. Enfin, n'y tenant plus, il lui demanda, d'un air indifférent, ce qu'il pensait d'elle. Deslauriers la trouvait, entre guillemets, pas mal, sans avoir pourtant rien d'extraordinaire. « Ah ? Tu trouves ? » dit Frédéric.